1860, dans un petit village d'Andalousie du nom de Toblada. C'est un matin de printemps, rose et bleu comme un nouveau-né dans sa layette, mais plus joyeux encore que les autres matins. En effet, c'est aujourd'hui le 19 mars, la Saint-Joseph, la Saint-Pépé, qui est en Espagne une sorte de fête nationale. Et dans l'auberge de Dona Vitoria, jeunes gens et jeunes filles devisent gaiement et plaisantent avec Pilar la servante. La piquante Pilar, qui n'a pas froid aux yeux et qui, selon l'oracle d'une gitane, doit rencontrer l'homme de sa vie, armé jusqu'aux dents, des couteaux plein la ceinture et un autre dans chaque main. Ce qui ressemble fort au portrait de Pépé, le petit rémouleur qui, évidemment, est toujours entouré de couteaux, mais qui n'est pas un vrai bandit espagnol. Pilar délaissera donc Pépé, tandis que Dolores, la fille de Dona Vitoria, s'ingénie à casser toutes les cruches de la maison, tous les alcarazas. Car le beau Juanito, le marchand d'Alcarazas, fait battre son cœur et, puisqu'il doit passer dans le village aujourd'hui, il faut avoir une raison de le faire entrer à la maison. Dolores, pour le lui dire, a trouvé un ingénieux langage dont les mots sont les pièces de linge qu'elle étend au soleil. Comme les fleurs, le linge a son langage, c'est un code mystérieux. Tous les amoureux au grand jour se parlent entre eux, sans souci de leur entourage. Les objets au vent suspendus sont gonflés de sous-entendus. Une paire de draps clairement apprendra qu'à 2 heures on viendra. Mouchoirs font savoir que l'on pourra se voir à 5 heures ou la voir. Si l'on met 2 jupons, le rendez-vous tient bon, mais à 2 pas du pont. Comme un bonnet de nuit, tout bonnement traduit, loin de toi, je m'ennuie. C'est ainsi qu'on est. Le vent fait voltiger tant de tissus légers. Tous ces dessous qui dansent, ce sont des confidences, ce sont des billets doux remplis de rendez-vous. Un joli tablier veut toujours

Dolorès et Juanito s'enlacent tendrement et le séduisant marchand de poterie confie à sa bien-aimée que bientôt il sera très très riche. Il va en effet abandonner ses alcarazas pour devenir torero et dès demain il va à Grenade livrer son premier combat. Mais la mère de Dolorès, Donna Vittoria, qui vient de surprendre les amoureux, ne croit pas du tout que Juanito puisse devenir un grand matador. Juanito se pique au vif et promet à sa belle de revenir en triomphateur et de lui acheter alors le beau château que l'on aperçoit en haut de la colline. Dans ce château qui s'accroche au plan du coteau, je nous vois déjà tous les deux vivre rêveurs. À notre honneur, s'envolant des bras du sonneur, peinteront les cloches à cœur pour notre bonheur. Des alentours, ayant mille riches atours, nos amis viendront ce beau jour boire à nos amours. Il faut avoir toujours foi dans le plus fort espoir. C'est écrit là-haut, et nous serons bientôt dans ce beau château. Moi, je prétends un soutien qu'à force d'y penser, lorsque l'on est sincère et prêt à tout oser, la plus folle chimère doit se réaliser. Dans ce château qui s'accroche au plan du coteau, je nous vois déjà tous les deux vivre un rêve heureux. À notre honneur, s'envolant des bras du sonneur, tinteront les cloches en cœur pour notre bonheur. Des alentours, ayant mille riches atours, nos amis viendront ce beau jour voir à nos amours. Il faut avoir toujours foi dans le plus fort espoir. C'est écrit là-haut et nous serons bientôt dans ce beau château. Bientôt dans notre beau château. Pendant ce temps, Pépé est allé voler une chemise de nuit de Donna Vittoria. Le ruban de la chemise d'une veuve. Il pense à sa poudre magique. Et Dolores attend le retour de Juanito. Comment les choses se sont-elles passées à Grenade? Est-il encore vivant? Mais oui, car le voici plus radieux que jamais. Le combat a été magnifique et Cortés, le grand impresario, lui offre un contrat de plusieurs mois au Venezuela. Dolores est contente, bien sûr, mais triste en même temps. C'est si loin, le Venezuela, et plusieurs mois d'absence, c'est si long. Elle lui donne sa médaille de baptême pour qu'il ne cesse de penser à elle, tandis que Juanito, très ému, lui jure un amour merveilleux. Je veux t'aimer d'un amour merveilleux, sans nuage, sans partage. Je veux t'offrir des trésors fabuleux. Mon courage viendra porter cet hommage à ta beauté. Mon espoir, mon désir, c'est pouvoir te chérir. Je mon aime, dire lui-même, je veux t'aimer, comme mon aime la pluie, ma seule joie, mon seul bonheur, c'est toi. Que ma vie te réponde du serment que je tiens, c'est à toi seulement que mon cœur appartient. Je veux t'aimer d'un amour éperdu comme mon aime bien lui-même. Je veux t'aimer comme mon aime la pluie, ma seule joie, mon seul bonheur, c'est toi. Retrouvons Juanito Pérez au Grand Hôtel de Caracas. Le célèbre matador est devenu l'idole du Venezuela et ce soir, l'hôtelier donne une fête en son honneur. Et aussi en l'honneur de Fanny Miller, la grande cantatrice viennoise qui donnait hier sa soirée d'adieu.